Coucou, c'est Agathe. Bienvenue dans votre astrologie chinoise 2025. Pour le premier trimestre, mais avant, je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2025. Que vous ayez du succès en amour, en affaires et une très bonne santé. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous pouvez me retrouver sur la plateforme wengo.fr, astrocenter.fr, que ce soit par chat, par visio, par téléphone ou par mail. Commençons par nos amis les rats. En amour, il y a une renaissance sentimentale. Il est possible qu'une ancienne flamme vienne se raviver à vous. Côté travail, votre créativité sera en pleine effervescence. N'hésitez pas à présenter vos idées novatrices. Vitalité, on a un regain d'énergie. Idéal pour démarrer un nouveau sport. Côté finance, c'est une période propice aux placements à long terme. Faites-vous conseiller. Pour nos amis buffles, côté cœur, le dialogue est enrichissant. Votre partenaire pourrait vous surprendre positivement. Côté travail, il y a de la consolidation dans votre position. Vos efforts sont enfin récompensés. Côté vitalité, vous avez adopté une routine pour votre bien-être qui fonctionne. Côté finance, on va vous demander de la rigueur pendant ce trimestre. Attention à vos achats compulsifs. Pour nos amis tigres, c'est la fougue et le romantisme. Pareil, une surprise pour l'élu de votre cœur, pourquoi pas. Côté travail, vos ambitions sont décuplées. D'ailleurs, une promotion pourrait bien se profiler. Côté vitalité, c'est au zénith, votre forme est au zénith. Canalisez cette énergie au risque d'épuiser votre entourage. Côté finance, il y aura des opportunités assez lucratives pour vous. Pour nos amis lièvres, nos amis lapins, côté amour, la complicité est renforcée. Idéal pour partager des nouveaux moments à deux. Côté travail, l'inspiration est au rendez-vous. Vos idées innovantes seront plébiscitées. Vitalité, on est en harmonie avec le corps et avec l'esprit. Votre nouvelle pratique de méditation fonctionne. Côté finance, l'argent est enfin stabilisé. Vous envisagerez même un petit investissement pour vous faire plaisir. Amis dragon, côté amour, c'est l'introspection. Clarifiez vos aspirations amoureuses, c'est important. Côté travail, vous avez un leadership naturel exacerbé. On vous confiera des responsabilités importantes. Côté vitalité, c'est fluctuant, des grandes phases d'hyperactivité et des grandes phases de repos. Côté finances, on a des projets d'expansion. Vous étudierez minutieusement toutes propositions qui viennent à vous. Serpent de bois, nous entrons dans l'année du serpent de bois. Ami serpent, votre intuition côté amour est là. Elle est affûtée. Écoutez-la, elle risque de vous amener sur le bon chemin. Côté travail, on est plutôt dans la stratégie, oui, parce qu'on envisage plusieurs possibilités et c'est dès maintenant pour le long terme. Côté vitalité, on est dans de la zen attitude. Vous choisissez des activités qui nourrissent essentiellement votre esprit. Côté finance, la prudence est de rigueur. Méfiez-vous des offres qui pourraient paraître trop alléchante. Ami cheval, l'effervescence émotionnelle côté amour. Vous multipliez les sorties à deux ou entre amis. Côté travail, vos initiatives sont enfin récompensées. Lancez-vous dans des projets ambitieux dès cette année. Pour la vitalité, vous êtes dans une forme olympique. Dépassez-vous dans votre discipline favorite. Il y a pour vos finances des rentrées d'argent assez lucrative. Restez à l'affût des bonnes opportunités. Pour nos amis chers, côté amour, c'est de la tendresse au quotidien. Vous avez envie de câliner et de l'être en retour. Côté travail, votre créativité est débordante. Il est fort possible que vous envisagiez de vous mettre à votre compte. Votre vitalité, votre forme, vous êtes dans une sérénité intérieure. Rien ne vous énerve ce trimestre. Côté finance, on a un équilibre financier qui est enfin là et on envisagera certainement le rachat peut-être d'un autre véhicule. pour nos amis singes. Les échanges sont stimulants côté amour. Exprimez vos sentiments avec éloquence. Côté travail, votre polyvalence est appréciée. Votre adaptabilité sera votre meilleur atout. Côté vitalité, vous avez un mental d'acier. Challengez votre esprit avec de nouveaux apprentissages. Côté finance, votre flair est là. Faites confiance à votre instinct. Pour nos amis coqs, on est dans de la consolidation affective, que ce soit avec vos amis ou avec votre famille. Côté travail, on est dans de l'organisation optimale. Vos supérieurs vont être enchantés. Côté vitalité, la gestion du stress est cruciale. Attention, attention, pensez à bien dormir. Côté argent, votre rigueur est payante. Vos efforts de gestion portent enfin leurs fruits. Pour nos amis chiens, on est dans de la fidélité qui est récompensée. Votre dévouement est apprécié à sa juste valeur. Côté travail, on est dans de la synergie d'équipe. Votre esprit collaboratif fera des merveilles. Pour votre vitalité, tout va bien pour ce premier trimestre 2025, amis chiens. Et pour vos finances, tout va très bien aussi. On est dans une sagesse financière. On ne dépensera pas inutilement. Pour nos amis cochons, sangliers, on est dans l'ouverture aux autres côté amour. Il est fort possible que l'on rencontre l'élu de son cœur si on est célibataire. Côté travail, on a une soif d'apprendre. Profitez de prendre toutes les formations qui s'offrent à vous. Côté vitalité, on est dans un épanouissement général. Accordez-vous vos moments de détente, vous le valez bien. Côté argent, perspicacité accrue. Vous dénicherez les meilleures offres du moment. Tchuss tchuss, c'était Agathe Devry. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt!